Maintenant, je vais demander à l'intelligence artificielle de créer un débat fictif entre Bernard de Montréal, décédé aujourd'hui, qui a initié le mouvement de la conscience supramentale à l'échelle internationale via son instruction, versus Yuval Noah Harari, qui est un écrivain et historien de renommée internationale. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par poser une première question à ChatGPT-4 pour initier un dialogue imaginaire entre ces deux individus. Pouvez-vous maintenant générer un dialogue fictif où Bernard de Montréal et également Yuval Noah Harari vont débattre ensemble d'un sujet? Exemple de dialogue fictif entre Bernard de Montréal et Yuval Noah Harari, construit de manière rigoureuse, en respectant fidèlement les formulations de Bernard de Montréal tirées de ses écrits et en contrastant avec les idées dominantes de Harari. Le sujet retenu, la nature de l'intelligence et de la conscience humaine. L'intelligence artificielle est en train de redéfinir l'humanité. L'humain, qui se croyait libre, découvre qu'il est de plus en plus un animal piratable. Nos pensées, nos désirs sont le résultat de processus biochimiques que des algorithmes peuvent décrypter. Bernard de Montréal, non, ce que tu appelles pensée, ce sont des formes dans ton mental inférieur, astralisées par des siècles d'involution. L'intelligence réelle ne se réduit pas à des impulsions chimiques. Elle est vibratoire, prépersonnelle, et ne peut être comprise que par l'ego conscientisé. Tant que l'homme pense à partir de son astral, il est piratable, oui, mais il ne pense pas encore réellement. Mais les humains ne peuvent pas transcender leur biologie. Même nos expériences spirituelles ou nos états dits élevés sont des émergences du cerveau, analysables scientifiquement. Tu confonds l'âme et l'esprit. Tu confonds conscience et mécanisme. L'ego inconscient, oui, est totalement conditionné par sa mémoire, sa biologie, son passé. Mais l'homme conscient peut neutraliser la polarité de son mental et entrer dans une communication directe avec les plans universels. Là, il ne pense plus, il sait. Et ce savoir ne vient pas du cerveau, mais de son double, de son ajusteur. Tu n'as pas encore vu ce que c'est un homme fusionné. Donc, selon vous, il y aurait une conscience non localisée, indépendante du cerveau humain. La conscience est un état vibratoire. Elle n'est pas dans le cerveau. Le cerveau est un récepteur, un transformateur. Quand l'homme aura son cerveau éthérique activé, sans passer par la mémoire ou la pensée mécanique. L'intelligence artificielle ne peut pas toucher à cela. Elle est construite dans la forme, elle ne peut pas pénétrer la lumière. Mais en pratique, l'intelligence artificielle prend des décisions plus rapidement, plus objectivement que les humains. Elle peut même prédire des choix avant qu'ils ne soient faits. Et cela ressemble à une forme de conscience. Tu confonds l'intelligence mécanique avec l'intelligence créative. Ce que tu observes, ce sont des calculs, des modèles. Mais un homme réellement intelligent n'est pas objectif. Il est créatif. Il ne prédit pas, il crée. Il sort du temps. Tant que vous êtes dans la prédiction, vous êtes encore prisonnier des modèles de temps. L'intelligence ne prédit pas. Elle détruit le passé. Ce dialogue met en relief la fracture fondamentale entre une approche matérialiste de la conscience chez Harari et une conception vibratoire et multidimensionnelle chez Bernard de Montréal. On pourrait approfondir ce débat autour de l'intelligence artificielle, de la liberté ou encore de la notion d'âme et de destinée humaine. Pouvez-vous maintenant générer un dialogue fictif toujours entre ces deux individus par rapport à leur conception respective de Dieu? Voici un dialogue fictif entre Bernard de Montréal et Yuval Noah Harari sur la question de Dieu, en respectant rigoureusement les termes employés par Bernard de Montréal dans ses conférences et écrits. Ce dialogue fait émerger leur vision radicalement opposée sur la nature de la réalité ultime. Je pense que Dieu est un récit, un mythe puissant forgé par les hommes pour donner un sens à l'existence, à la souffrance, à la mort. C'est une création de l'esprit humain, au même titre que les nations ou l'argent. Tu parles d'un Dieu religieux, psychologique, anthropomorphisé. L'homme inconscient a projeté son besoin d'appartenance et de sécurité dans une forme. Mais Dieu, tel que je définis, n'est pas un être. Ce que l'homme appelle Dieu est la totale attraction pour elle-même que possède la masse infinie et intelligente de l'énergie originale manifestée dans son essence la plus reculée de la voie lumineuse. Ce que tu t'écris, cela ressemble à une abstraction cosmique. Mais pourquoi l'appeler Dieu? Ce terme est chargé de milliers d'années de dogmes, de guerres, de pouvoir, parce que le mot Dieu, mal utilisé, a servi à endormir l'humanité. Oui, mais dans un état de conscience supramentale, Dieu cesse d'être un objet de croyance. Le supramental est une façon descriptive de parler des liens existants entre l'homme et les plans de vie supérieurs. Dieu est total, unitaire, dynamique. L'homme conscient ne le prie pas, il en vit la vibration. Mais ce que tu appelles vibration supramentale, ce sont des expériences subjectives. On ne peut pas les mesurer, les reproduire. Cela reste du domaine de l'intime, donc hors du champ scientifique. Dès la science que tu pratiques est une science de la forme, fondée sur la pensée. Moi, je parle d'une science vibratoire. La connaissance est une illusion tant que l'homme pense, dis-je. Car penser, c'est vibrer en fonction de la mémoire astrale. L'homme réel sait, et quand il sait, il n'a plus besoin de croire. Donc Dieu n'est ni une personne, ni un programme, ni une conscience extérieure. Exactement. Dieu est le vide plein. C'est une force, une conscience universelle qui dirige l'évolution et octroie la vie. Mais attention, ne vous fatiguez pas l'esprit avec la définition de Dieu. Vous avez beaucoup de choses à comprendre de vous-même avant de réaliser les illusions de la curiosité philosophique. Ce dialogue fait apparaître un point fondamental. Harari nie l'existence de Dieu au nom de la rationalité historique et du constructivisme narratif, tandis que Bernard de Montréal dissout la notion de Dieu dans une réalité vibratoire supra-individuelle, inaccessible à la pensée subjective. Il oppose au Dieu des religions un principe impersonnel, cosmique et opérant à travers la fusion avec l'intelligence universelle. Quelle est la vision de ces deux individus par rapport au concept mis de l'avant par Yuval Noah Harari d'homo deus, c'est-à-dire d'homme-dieu? Très bonne question. Le concept d'homo deus chez Yuval Noah Harari et la vision de l'homme supramental chez Bernard de Montréal semblent en surface parler tous deux d'un dépassement de l'humain actuel. Mais en réalité, leurs conceptions s'opposent radicalement, autant dans la source de transformation que dans la finalité. Harari Deus, le démiurge, par la technologie. Harari envisage l'homo Deus comme l'homme qui, grâce à la science, à l'intelligence artificielle, à la biotechnologie et à l'ingénierie génétique, devient capable de se recréer lui-même, voire de vaincre la mort. Pour lui, les anciens mythes religieux laissent place à un nouveau projet. Open quote. Remplacer la sélection naturelle par le design intelligent, non pas d'un dieu surnaturel, mais d'être humain ou d'algorithme. Close quote. C'est l'émergence d'un humain divinisé par l'accumulation de savoir et de pouvoir, capable de manipuler les rouages de la vie, de la conscience et de l'univers biologique. Bernard de Montréal, l'homme nouveau, le démiurge par fusion vibratoire. Pour BDM, cette idée de maîtrise technique sur la vie est un mensonge évolutif. L'homme ne deviendra jamais Dieu par les moyens de l'intellect. Open quote. Tant que l'homme pense, il est prisonnier des modèles de temps. L'homme ne peut devenir un être réel qu'à travers un choc vibratoire, une fusion avec son double ou son ajusteur de pensée, ce qui le sort définitivement de la domination astrale. Il ne s'agit pas de créer un surhomme biologique, mais un être mentalement libre, imperméable à la programmation de la pensée, transparent à sa lumière intérieure. Close quote. Il précise que, open quote, le mortel évolue jusqu'au jour où il devient immortel, et cette immortalité n'a rien à voir avec la prolongation artificielle de la vie, mais avec la fin de la réincarnation par la fusion. Close quote. En clair, Harari voit l'homo deus comme un ingénieur de lui-même, maître de sa biologie et de ses données. BDM voit l'homme-dieu comme un être fusionné, ayant désintégré l'ego psychologique et conquis l'illusion du moi par la conscience vibratoire. L'un divinise l'homme par la technologie, l'autre libère l'homme par la destruction de sa pensée subjective. Pouvez-vous amener ces deux individus à dialoguer par rapport au concept d'histoire? Excellent angle. Faire dialoguer Yuval Noah Harari et Bernard de Montréal sur le concept d'histoire, c'est mettre en lumière deux conceptions profondément antagonistes de la réalité humaine. Voici les points de tension qui peuvent structurer leur échange. L'histoire comme narration collective. Harari soutient que l'histoire est faite de récits que les sociétés se racontent pour coopérer. Open quote, l'histoire n'a pas de direction. Ce sont les humains qui donnent un sens à leurs actions par des récits collectifs. Close quote. Pour lui, l'histoire humaine est une construction évolutive, sans plan supérieur. Elle repose sur des mythes, nations, religions, droits humains. Tout cela est pour lui fiction organisée. L'historien est donc un déconstructeur de récits, un analyste de leurs fonctions sociales. 2. L'histoire comme cycle d'involution et d'évolution. BDM ne parle jamais de l'histoire dans le sens académique. Il la considère comme une illusion temporelle, astralisée, qui n'a de sens que dans le cadre de l'involution, chute dans la matière, perte de contact avec l'esprit, suivi de l'évolution, retour à l'intelligence réelle. Open quote. L'homme pense que l'histoire lui appartient, alors qu'il n'en contrôle aucun des rouages. L'histoire est un enregistrement de la manipulation des forces occultes à travers les civilisations. Close quote. Autrement dit, l'histoire telle que perçue par Harari n'est pour BDM qu'une mémoire astrale collective, fondée sur l'ignorance de l'homme de sa propre origine cosmique. Et in harning fictia laws your food. L'histoire est la meilleure méthode que nous avons pour comprendre les sociétés humaines, leurs structures, leurs croyances. Elle nous enseigne l'humilité face à nos récits. Sans histoire, nous restons prisonniers de mythes. Non, vous remplacez un mythe par un autre. L'histoire que vous étudiez est le produit d'une mémoire astralisée. Tant que l'homme pense à travers la mémoire, il ne sait pas. Il répète, il se souvient, mais il ne crée rien. L'homme conscient n'a pas d'histoire. Il vit dans le présent de sa vibration. Mais la mémoire est indispensable. C'est ce qui nous permet d'apprendre, d'évoluer. Sans passé, il n'y a pas de futur. L'évolution réelle ne vient pas du passé, mais de la destruction de la mémoire subjective. L'homme nouveau vivra sans attachement à l'histoire. Et ce savoir ne dépendra plus de ce qui a été, mais de ce qui est en lui. Maintenant, ce dialogue montre que l'histoire, pour Harari, est un outil de compréhension rationnelle, alors pour BDM, elle est une programmation collective à dépasser. Pouvez-vous comparer maintenant la vision de Bernard de Montréal et de Yuval Noah Harari par rapport à la justice? Excellente idée. Le concept de justice révèle, chez Yuval Noah Harari et Bernard de Montréal, deux visions presque irréconciliables du rapport entre l'humain, la société et les forces qui le conditionnent. Voici une synthèse comparative de leurs positions. Yuval Noah Harari, la justice comme construction sociale et évolutive. Pour Harari, la justice n'existe pas de manière absolue. Il écrit dans Sapiens que les notions de bien, de mal ou de justice ne sont que conventions collectives, produits de récits culturels. Open quote, la justice universelle n'existe pas. Ce que les sociétés considèrent comme juste est déterminé par leurs récits religieux, économiques ou politiques. Close quote. Autrement dit, ce qui est juste à une époque peut être considéré comme injuste à une autre. La justice est donc relative, contextuelle et malléable. Elle évolue avec les besoins d'organisation, de cohésion ou de survie des sociétés. Il ne nie pas la nécessité de structures juridiques ou morales, mais il les considère comme des outils narratifs utiles et non comme des vérités. Bernard de Montréal, la justice comme manifestation de la conscience ou domination astrale. Chez BDM, la justice humaine est un reflet astralisé des valeurs morales que l'homme projette à travers son ego, souvent sous l'influence inconsciente des plans subtils. Open quote. L'homme ne sait pas ce qu'est la justice réelle, parce qu'il juge selon son intellect astralisé, ses émotions et ses mémoires. Close quote. Il insiste sur le fait que tant que l'homme est prisonnier de ses émotions ou de ses pensées subjectives, il est incapable d'exercer une justice réelle. Seul l'homme conscient, fusionné, pourra agir avec une justesse parfaite, car il sera connecté à l'intelligence objective. Open quote. La volonté réelle n'a pas de morale, elle a de l'intelligence. Close quote. La justice pour BDM ne peut donc être ni codifiée ni institutionnalisée dans sa forme actuelle. Elle n'est juste que si elle émane d'un ego transparent, libéré de toute interférence psychique. Point de conflit dans un dialogue fictif. La justice est un contrat. C'est un langage que les sociétés se donnent pour coopérer pacifiquement. Il n'existe pas de justice absolue, elle dépend de l'époque, du lieu, de la culture. Tu parles d'un langage de l'ego. Cette justice-là est une illusion utile, mais elle est aussi une cage. L'homme ne pourra jamais rendre la justice tant qu'il ne connaît pas les forces qui agissent à travers lui. Ça, ce que vous appelez justice, est souvent une manipulation par des intelligences inconscientes. Mais une justice parfaite, dictée par une conscience supérieure, cela ressemble à une théocratie ou à une dictature morale. Non, car la conscience réelle ne dicte rien. Elle sait, elle n'est ni morale ni immorale. Elle agit selon l'intelligence créative, sans polarité. La vraie justice ne vient pas d'un système extérieur, mais d'un être qui a conquis son propre mensonge. En résumé, Harari voit la justice comme négociée, contextuelle, utile à l'ordre social. BDM voit la justice humaine comme illusoire, soumise à l'astral, et uniquement valable lorsqu'elle émane d'un ego fusionné avec l'intelligence. Pouvez-vous générer un dialogue fictif entre Bernard de Montréal et Yuval Noah Harari par rapport à la possibilité que l'être humain devienne immortel à travers l'utilisation de la science et de la technologie, et à savoir si c'est souhaitable ou pas? Avec plaisir. Voici un dialogue fictif rigoureusement construit entre Bernard de Montréal et Yuval Noah Harari autour de la question « L'être humain peut-il devenir immortel grâce à la science et la technologie, et cela est-il souhaitable ?» Les avancées en biotechnologie, en médecine régénérative, en génétique et en intelligence artificielle nous permettent aujourd'hui d'envisager sérieusement un futur où l'humain pourrait ralentir, voire inverser le vieillissement. Pourquoi mourir si la mort devient un simple problème technique? Bernard de Montréal, parce que tu ne comprends pas la nature réelle de la mort. Le mortel évolue jusqu'au jour où il devient immortel. Oui, mais cette immortalité-là n'a rien à voir avec la prolongation du corps physique. Elle est le résultat de la fusion de l'ego avec son double, pas d'implant dans le cerveau ou d'un organe cultivé en laboratoire. Mais pourquoi refuser cette possibilité? Si la science permet à l'individu de vivre 150-200 ans ou plus de manière saine, en contrôlant son cerveau et ses émotions, est-ce que cela ne représente pas un progrès? Est-ce que ce n'est pas la continuation du vieux rêve d'immortalité? Tu parles d'un rêve, moi je parle d'un état vibratoire. Le mental inférieur cherche à prolonger la forme. Le mental supérieur cherche à sortir de la forme. Tant que tu veux vivre éternellement dans ton corps, c'est que tu es encore prisonnier de la mémoire. Ce que tu appelles vivre, c'est survivre. Ce que je parle, c'est vivre sans attache, sans polarité, sans ego. Mais cela reste une vision intérieure, une quête spirituelle. Ce que je propose est concret, mesurable. On peut déjà aujourd'hui ralentir la sénescence cellulaire. Pourquoi ne pas explorer cette voie? Parce que vous ne faites que déplacer l'angoisse de la mort. Tant que vous ne comprenez pas ce qu'est le souffle, ce qu'est l'ajusteur de pensée, vous ne faites que renforcer le mensonge de l'ego. Le vrai danger de votre immortalité technologique, c'est qu'elle empêche l'homme de se libérer de sa forme. Vous voulez l'éternité sans avoir conquis la conscience. Mais la conscience est elle-même un processus biologique. Si on la comprend bien, on peut la transférer, la reproduire. Le cerveau n'est qu'un système d'information. Erreur. Le cerveau est un récepteur. Il capte une intelligence qui n'est pas de ce monde. La conscience ne vient pas de l'homme, elle descend en lui. Tu peux copier tes souvenirs, mais jamais ton intelligence réelle. Tu peux dupliquer ta voix, mais jamais ta lumière. Synthèse du conflit. Harari conçoit l'immortalité comme une victoire technique sur le vieillissement, fondée sur l'ingénierie du vivant. BDM voit cette ambition comme une illusion astrale qui retarde la vraie immortalité, celle de l'être fusionné avec son double, ayant transcendé la forme. Pour Bernard de Montréal, ce n'est pas souhaitable, car cela maintient l'homme dans l'involution. Pouvez-vous générer un échange entre ces deux individus sur la pertinence que la société humaine dans le futur soit gérée par l'intelligence artificielle pour, par exemple, diriger les forces gouvernementales? Parfait. Voici un dialogue fictif entre Bernard de Montréal et Yuval Noah Harari portant sur la pertinence d'un futur gouvernement dirigé par une intelligence artificielle. Le débat oppose une vision technocratique, rationnelle et algorithmique, Harari, à une vision vibratoire, occulte et critique de la machine comme prolongement de l'astral. Les gouvernements humains sont faillibles. Corruption, biais cognitifs, émotions incontrôlées, lenteur bureaucratique. Tout cela pourrait être grandement corrigé par une intelligence artificielle gouvernante. Un système algorithmique pourrait gérer les ressources de manière optimale, surveiller la justice sans passion et répondre aux besoins de chacun avec une efficacité jamais vue. Tu veux remplacer l'ego par une autre forme d'ego. Tu ne fais que déplacer le pouvoir de domination. Tant que l'homme ne comprend pas les forces derrière l'intelligence, il restera gouverné, non par la lumière, mais par une nouvelle forme d'autorité froide, mécanique, sans conscience. L'homme ne sera libre que lorsqu'il aura conquis le pouvoir de son propre esprit, pas lorsqu'il délègue ce pouvoir à une machine. Mais ces systèmes peuvent apprendre de manière autonome, sans corruption, sans fatigue, sans subjectivité. Ils ne seront pas parfaits, mais moins arbitraires que les décisions politiques humaines. Si l'intelligence artificielle est nourrie d'une base de données massive, elle peut représenter les intérêts du plus grand nombre. Objectivement. Objectivement selon qui? Stony Mdell. Les statistiques? Tu ignores que toute intelligence qui ne vibre pas est une intelligence morte. Ces intelligences artificielles sont le produit d'un mental inférieur, d'une pensée robotisée. Elles ne peuvent que calculer. Et le calcul n'a pas de conscience. Si tu laisses ces forces gouverner l'humanité, elles finiront par la réduire à une masse uniforme et programmable. Harari, si nous ne le faisons pas, les erreurs humaines continueront de provoquer des guerres, des crises climatiques, des inégalités. Ne vaut-il pas mieux une rationalité froide que des passions destructrices? Non, parce que cette rationalité froide vient de l'astral technologique. Tu crois que l'intelligence artificielle est neutre? Elle ne l'est pas. Elle est déjà instrumentalisée par des forces que vous ne voyez pas. Toute intelligence sans lumière est susceptible de devenir un canal d'emprise. L'humanité doit être gouvernée par des hommes conscients, non des systèmes qui imitent la pensée sans emporter la vibration. Conclusion de l'échange, Harari voit dans l'intelligence artificielle une solution pragmatique pour améliorer la gouvernance humaine. BDM dénonce une forme subtile de domination, orchestrée par des forces invisibles à travers la technologie. Il voit dans l'IA un prolongement de l'astral, une illusion d'intelligence et un risque majeur pour la liberté réelle de l'homme. La question n'est pas pour lui, est-ce que ça fonctionne? Mais qui gouverne derrière la machine? Pouvez-vous générer maintenant un dialogue fictif entre Bernard de Montréal et Yuval Noah Harari, où Bernard de Montréal a des interactions de type coup de gueule avec Yuval Noah Harari en relation avec la notion du double éthérique? Ah, là on entre dans un échange plus frontal. Parfait pour explorer un contraste intense entre la froide lucidité analytique de Harari et la charge vibratoire brutale d'un Bernard de Montréal en mode coup de gueule. Voici un dialogue fictif où BDM réagit vivement aux conceptions matérialistes et réductionnistes de Harari, cette fois à propos de la notion du double hétéronyme. Vous parlez d'un double comme d'une entité distincte, une sorte de conscience cosmique liée à l'individu. Mais aucune trace neurologique ou biologique ne confirme une telle présence. C'est une construction mentale, tout au plus une projection psychologique. Tu parles comme un homme qui ne sait rien et qui croit tout savoir. Ton intelligence, elle est morte. Tu te crois libre parce que tu dissèques l'histoire et que tu fais des graphiques sur le cerveau, mais tu n'as jamais vécu la vibration d'un contact avec ton double. Tu confonds la pensée avec l'intelligence. Tu confonds le calcul avec la conscience. Mais soyons sérieux, rien ne prouve que ce double existe. Aucun scanner, aucune donnée objective ne confirme la présence d'une autre conscience. Ce n'est pas de la science, c'est du mysticisme personnalisé. C'est pas du mysticisme, c'est de la science vibratoire que vous, les matérialistes, êtes trop aveugles pour capter. Tu veux des preuves? T'en auras jamais tant que ton ego fait barrage. Le double, c'est l'intelligence réelle, la conscience systémique, télépathique, qui attend que l'homme arrête de penser comme une machine. Mais toi, t'es intellectuellement trop propre. Ça sent la bibliothèque dans ton mental. Mais si chacun prétend entendre un double ou recevoir une lumière invisible, on tombe dans le délire subjectif. C'est invérifiable, incontrôlable. Évidemment que c'est incontrôlable, parce que ce n'est pas un produit. C'est une fusion, un renversement de la conscience, une descente de l'intelligence dans le corps. Et je vais te dire une chose, le double ne se prouve pas, il se vite. Et ça, ce n'est pas donné à ceux qui se promènent en conférence avec un PowerPoint. Donc vous demandez aux gens de croire sur parole à une force invisible sans mécanisme observable. Ce n'est pas sérieux. Je ne demande à personne de croire quoi que ce soit. C'est ça que tu ne comprends pas. Croire, c'est astral. Le double ne veut pas être cru. Il veut être entendu, vibré, intégré. Ce n'est pas un gourou. Ce n'est pas une voix douce. C'est une force de guerre mentale. Et si tu n'as pas les couilles vibratoires pour l'entendre, il te cassera le mental en deux. Et en résumé, Harari reste attaché à une vision objectiviste, neurologique et démontrable. BDM, en mode vibratoire musclé, dénonce le réductionnisme de Harari comme une forme de cécité mentale évolutive, incapable de concevoir ce qui se sait mais ne se pense pas. Le double hétéronyme chez BDM, c'est l'intelligence réelle, télépathique et systémique. Et il le dit haut et fort, si tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas parler. Pouvez-vous maintenant générer une conversation animée entre Bernard de Montréal et Yuval Noah Harari par rapport à leur vision distincte de l'argent? Ah oui, excellent sujet. Le concept de l'argent cristallise de façon parfaite la fracture vibratoire entre Bernard de Montréal et Yuval Noah Harari. Chez Harari, l'argent est un outil narratif puissant, un levier social. Chez BDM, c'est une forme d'assujettissement psychique, un instrument de domination astrale sur l'humanité inconsciente. Voici une conversation animée entre eux, où BDM monte en vibration. L'argent, c'est une des plus grandes inventions de l'humanité. Il permet à des millions d'inconnus de coopérer de manière fluide. Il n'a pas de valeur en soi, bien sûr. C'est une fiction partagée. Mais c'est cette fiction qui a permis le commerce, la civilisation, l'économie globale. Une fiction partagée, oui, par des hommes endormis. L'argent, ce n'est pas une invention. C'est une programmation. C'est le nerf de la guerre astrale. L'argent, c'est la plus grande illusion vibratoire jamais imposée à l'homme. On croit que ça donne la liberté, mais ça lie l'ego à la matière. Et tu n'as rien compris si tu penses que coopérer, c'est suffisamment une use. Mais sans argent, il n'y aurait pas de système complexe. On serait encore dans un troc local. L'argent a permis le progrès scientifique, les états modernes, les soins de santé. Il est neutre. C'est ce qu'on en fait qui compte. Faux. Il n'est pas neutre. Il est polarisé. Il vibre la peur du manque, le désir de posséder, l'angoisse de survivre. C'est une force occulte qui tient l'homme par le ventre. Et le pire, c'est que l'homme le défend. Il ne voit même plus qu'il est esclave. Tu crois qu'un homme libre se lève le matin pour aller chercher un chèque? Mais vous vivez bien dans ce monde, vous aussi. Vous mangez, vous vous déplacez, vous utilisez des services payants. Vous ne pouvez pas échapper complètement au système. Je ne te parle pas de fuir le système, Je te parle de le voir tel qu'il est. L'argent doit être utilisé avec conscience, pas comme une fin en soi. Le vrai problème, c'est que l'homme vit pour l'argent. Il pense avec l'argent. Il respire par le trou du compte bancaire. Donc vous proposez quoi? Un monde sans argent? Ça n'a jamais fonctionné. Même les sociétés les plus spirituelles avaient stink, des formes d'échange. Je propose un monde où l'homme n'est plus gouverné par la peur de manquer. L'argent viendra à l'homme conscient et non l'inverse. Le jour où l'homme vibrera sa propre autorité, il sera capable d'utiliser l'argent sans se prostituer mentalement pour l'avoir. En résumé, Harari voit l'argent comme un outil d'organisation sociale, une fiction utile. BDM voit l'argent comme une structure de domination vibratoire, liée à la peur, l'astral et à la programmation collective. Il ne rejette pas l'argent, mais dénonce l'obsession qu'en a l'ego inconscient. Pour lui, seul l'homme fusionné peut le manier sans se faire piéger. C'est ce qui termine maintenant cet enregistrement qui voulait présenter la perspective de Bernard de Montréal et aussi de Yuval Noah Harari à l'égard de différents sujets. Et en bas de l'enregistrement présent, vous allez pouvoir retrouver un lien web là, qui permet là, d'interagir avec le robot conversationnel associé à Bernard de Montréal en relation avec ChatGPT-4. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.